C'est l'émission France Impro qui commence. Et c'est Jean-Michel au micro avec Dominique ce matin. Et salut Dominique. Dominique à la technique. Et on a deux invités avec nous. Eddy Boubaker, bonjour Eddy. Bonjour. Et Guillermo. Bonjour. Bonjour Guillermo, je sais pas. Guillermo Rodriguez. Guillermo Rodriguez, ouais, qui nous vient d'Amérique du Sud. Hein. Non, il vient du Portugal. Il vient du Portugal, désolé. Et voilà, donc on va faire une émission comme tous les 15 jours. On va parler de musique improvisée, on va parler de diverses choses. Il y a des projets dont Eddy va nous parler, Guillermo également. On a prévu de faire un peu de musique en live aussi, à la fin. Mm-hmm. Et également vous parler de l'agenda des concerts, des choses qui peuvent se passer à Toulouse et aux alentours dans les 15 jours qui viennent, là, voilà, pour qu'on ne se perde pas de vue trop longtemps. Voilà, on commence par quoi on avait dit que peut-être, Eddy, tu nous racontes un petit peu la genèse de ce projet, de vinyle. Alors, de label. Je suis ici pour parler du dernier, la dernière sortie d'un label que j'ai, qui s'appelle un Revenu, qui a été monté il y a, je ne sais plus, un bon paquet d'années. Au départ, avec plusieurs personnes, au départ, avec Nicolas Carrière, Rémi Brassier et mon épouse Zéavit Cohen. Là-bas, c'était un label de CD, avec une démarche un peu particulière, c'est qu'on invitait des artistes improvisateurs, et on faisait des portraits sonores de ces artistes, c'est-à-dire qu'on les mettait dans des situations de jeu un peu particulières, dans des endroits pas forcément adaptés au jeu, quoi. Enfin, genre... Pas prévu pour. Voilà, donc il y a eu plein de situations bizarres, à 5h du matin dans une forêt, dans un lac. Wow. Pas à côté d'un lac, dans le lac, carrément, dans l'eau. Enfin, il y a eu des trucs comme ça, et puis on faisait des CD, et puis il y avait des pochettes faites main par mon épouse. Et voilà, donc ça a duré... C'était des projets un peu compliqués à faire, donc c'était coûter de l'argent, qui me demandait du temps, parce que les pochettes étaient faites à la main, etc. On passait une semaine avec l'improvisateur invité, on allait enregistrer à droite à gauche, on mangeait ensemble, on discutait, etc. Donc, on a fait deux CD, donc un avec Guillaume Viltard, un contrebassiste londonien, et l'autre avec Matas Pontevia, un batteur bordelais. Et puis, la situation financière faisant les choses qu'elles sont, ça s'est arrêté. Après, c'est devenu un net label. C'était beaucoup plus facile à mettre en œuvre, voilà. Et puis là, ça reprend un peu avec la production de vinyle. Donc là, on a sorti notre premier vinyle avec un projet qui s'appelle Vortex, à la base. Vortex, c'est mon plus ancien duo d'impro avec Sébastien Sirotto à la trompette. Ça doit faire 10 ans, plus de 10 ans qu'on joue ensemble. Et donc, au départ, c'était sax trompette, quand je vous dis sax. Et puis, on a enregistré en 2013... quand je me suis mis au synthé modulaire, on a enregistré en studio donc un ensemble de pièces qu'on a bien aimé. On s'est dit, il faut qu'on le sorte. Mais on n'avait pas envie de sortir un nouveau CD ou de le mettre sur le net comme ça. On avait envie d'un objet un peu, d'une démarche un peu particulière. Donc, puis on n'avait pas envie de faire que notre musique. On avait donc l'idée... qu'on a eu rapidement comme idée, c'était de demander à quelqu'un de faire le remix. Nous, on voulait faire un vinyle, on voulait faire la face A, et que quelqu'un de nos connaissances, ouais, parmi les gens qui travaillent le son, qu'on connaît, fasse le remix de la face A. Donc, on a demandé à plusieurs personnes, c'était compliqué. Puis, il y a Jean-Christophe Kranz, qui est compositeur électroacousticien, et performeur qui, dans le duo Christophe Carroll, qui est un peu connu dans le domaine de la musique électroacoustique, qui était ravi de faire ça. Donc on a travaillé ensemble et on a fait un vinyle avec après main de péripéties. Un vinyle avec donc la face A qui est des courtes pièces du duo Vortex, donc trompette amplifiée et synthétiseur modulaire, et la face B. Donc chaque pièce de la face B est un remix de la pièce correspondante sur la face A. c'est-à-dire le 1 du B et le remix de est remixé à partir des sons du 1 du A, etc. Le 2 à partir D'accord. du 2, voilà. Et puis Jean-Christophe a fait quelque chose de totalement différent, de c'est assez incroyable, de voilà, une musique qui a rien à voir, mais avec qui il a rajouté des sons à lui, il a rajouté des paroles, il a rajouté des choses, mais à la base c'est vraiment basé sur nos sons à nous qu'il a transformé, etc. Alors peut-être qu'on peut enregistrer et écouter la première de la face A et la première de la face B d'affilée. C'est parti. Voilà, comme ça donne une idée. Excusez-nous, il y a un petit problème technique là, donc le son que vous entendez, c'est pas, enfin c'est ce qu'il y a sur le CD, mais alors à un niveau hyper faible, on n'arrive pas à remonter les niveaux, donc le technicien est en train de... On va continuer à parler en attendant, ouais, on essaye de vous mettre ça au poids. La console a 2-3 soucis là, on a des nouveaux lecteurs CD, on est très content parce qu'on avait des problèmes avec nos lecteurs CD précédents, mais manifestement il y a un petit souci de réglage. On est sur le coup, alors je vous laisse discuter. Ouais. Mais il va falloir meubler. tant qu'on est par rapport à ça, je peux annoncer que ce duo va faire un concert mardi 15, là, qui vient, à la Pizzeria Belfort. Donc avec Sébastien Sirotto. Voilà, et donc toi le duo Vortex. Ouais. On va en profiter pour présenter un peu... Le disque, mais c'est pas vraiment le but en fait. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un duo avec Tristan Singer et Joël Grip, qui sont deux fameux improvisateurs, donc contrebasse, Joël et Tristan au violoncelle. Mm-hmm. Tristan, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui a joué avec Cecil Taylor, avec Evan Parker, avec tout un tas de grands improvisateurs, donc c'est pas n'importe qui. Donc, et Joël, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup joué, qui organise beaucoup de choses, un festival en Suède, donc ça sera une sacrée soirée. Mardi soir, la pizzeria Belfort à partir de 20h. Ouais, place Belfort. Voilà, donc, place Belfort, la célèbre pizzeria Belfort que tous les gens qui connaissent la musique improvisée de Toulouse connaissent. Ouais. Alors le nom officiel, c'est pas pizzeria Belfort. Ouais. C'est Porte de la Fontaine. Ouais, en fait, c'est dans la pizzeria, mais c'est au sous-sol, et c'est l'espace au sous-sol qui s'appelle Porte de la Fontaine. Ouais, c'est une magnifique cave, ouais, ouais. Avec un petit bar sympa, avec une belle scène, ouais. Et quelques chaises et des tables pour boire un coup. C'est vraiment un bel endroit. Et manger de très bonnes pizzas. Ouais. Et écouter la musique qu'on peut entendre nulle part ailleurs. Voilà. Sauf sur France Home Pro. J'ai une bonne nouvelle, je pense que le CD fonctionne. Ah, c'est parti pour les musiques, alors à tout de suite. Ah, c'est mieux quand même. On vient d'écouter donc les deux premiers morceaux de chaque face. Donc le premier, la face A, c'était du Vortex, c'est un morceau qui s'appelle Sexy Sushi. Je ne me demandais pas pourquoi on a appelé ça comme ça, mais il doit y avoir une raison un peu idiote. Et le deuxième, c'était le remix qui durait qu'une petite minute. Le remix de Jean-Christophe de ce morceau-là, donc avec des sons qu'on a pu identifier et puis d'autres qu'on n'a pas pu identifier parce qu'il les a rajoutés, il les a transformés, etc. Voilà. Et tout le disque est un peu dans cette même veine, quoi, une impro plutôt, disons, électro-acoustique et un remix qui peut être, on va le voir au prochain morceau, qui sera très, très différent. Ouais. Moi, j'ai bien aimé entendre les deux de l'affilée, justement. Ouais, ouais. Ça devait être compliqué de savoir si on mettait tous les remixes ensemble et tous les morceaux. C'est-à-dire tous les morceaux. Bah, faire une face avec ce que vous avez fait, ou alors mettre chaque morceau avec son remix derrière. Ah non, c'était vraiment, nous, l'idée, c'était face A, face B. Quoi. Ouais, c'est vraiment le... Parce que là, voilà, je trouvais intéressant d'avoir les deux comme après, ça. Après, oui, c'est vrai, l'idée d'écouter comme ça les uns après les autres, c'est... Ah. Ouais, c'est autre chose, c'est une écoute différente, en fait. Ouais. Une expérience inédite ce matin sur France 1. Voilà. Et il y a d'autres personnes, tu disais, qui ont essayé de faire des remixes et ça a été compliqué ou... Oui, parce que on a demandé par exemple à Jérôme Nottinger, on a demandé à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément disponibles pour ça. Ah. Il y en a qui n'ont pas eu envie de le faire parce que voilà, l'idée ne leur plaisait pas. Il y en a qui n'avaient pas le temps et puis voilà, donc on n'a pas demandé énormément, on est tombé rapidement sur Christophe. Voilà, on avait notre petite liste de gens à qui demander, et puis Christophe était là très rapidement. Ouais. Voilà. On écoute une autre paire On peut écouter peut-être la dernière paire, ouais. Donc le 6 de Vortex JP. Ah oui, j'ai un petit truc à dire. Bon, je le dirai peut-être après ça, après cette paire. Oh, voilà. Donc le 6 et le... Le 6 et le 12. Enfin, le 6 de la face A et le 6 de la face B. Mais en fait, là, on est en train d'écouter avec un CDR parce que les platines ne marchent pas ici. Donc on écoute le 6 et le 12 en CD. qui grandit encore là où il est né, qui habite là où il a grandi. Qui travaille là où il habite. Qui vit là où vivaient ses ancêtres. Et de qui sont-ils les enfants de cette époque? Nous avons été arrachés en masse à toute appartenance, que nous ne sommes plus de nulle part, et qu'il résulte de cela en même temps qu'une inédite disposition au tourisme, une indéniable souffrance. Notre histoire est celle des colonisations, des migrations, des guerres, des exils, de la destruction de tous les enracinements. C'est l'histoire de tout ce qui a fait de nous des étrangers dans ce monde, des invités dans notre propre famille. Nous avons été expropriés de notre langue par l'enseignement, de nos chansons par la variété, de nos chairs par la pornographie de masse, de notre ville par la police, de nos amis par le salariat. Cela s'ajoute en France le travail forcené et séculaire d'individualisation par un pouvoir d'État qui note, compare, discipline et sépare ses sujets dès le plus jeune âge, qui broie par instinct les solidarités qui lui échappent afin que ne reste que la citoyenneté, la pure appartenance fantasmatique à la République. Le français est, plus que tout autre, le dépossédé, le misérable. Sa haine de l'étranger se fond avec sa haine de soi comme étranger. Sa jalousie mêlée d'effroi pour les cités ne dit que son ressentiment pour tout ce qu'il a perdu. Nous sommes arrivés à ce point de privation. La seule façon de se sentir français est de pester contre les immigrés, contre ceux qui sont plus visiblement des étrangers comme moi. Tiennent dans ce pays une curieuse position de souveraineté. S'ils n'étaient pas là, les Français n'existeraient peut-être plus. Oui, donc on vient d'écouter Duo Vortex, la sortie de votre album vinyle, Eddie. Et c'était les morceaux 6e de la face A et de la face B, donc la face B remix. Donc oui, le 6e, c'est le duo Vortex, vraiment. Et puis le face B, le 6e de la face B, donc, qui s'appelle À nos amis, qui est le remix du 6e morceau de la face A, ouais, par Jean-Christophe Kantz. Et donc, on a vu quand même la différence entre les deux morceaux et entre le remix de la face du morceau 1 voilà. Et je voulais préciser que le texte que Jean-Christophe dit, qui est très d'actualité, est un texte extrait du... je ne le dis rien, il y a quelques secondes. De l'insurrection qui vient, oui, du comité invisible, d'un bouquin qui s'appelle L'insurrection qui vient. Et donc Jean-Christophe est très intéressé, disons, par ce mouvement. Mm-hmm. Et donc là, il a dit un extrait de ce texte. Et dans les autres morceaux, à part le premier, il y a des extraits des procès-verbaux de l'affaire de Tarnac, qui dit et qui mélange avec nos sons, avec ses sons, etc. Donc voilà, c'est un disque sur le son, mais aussi avec d'autres choses dedans. Jean-Christophe fait le même rapprochement que la police entre l'affaire de Tarnac. Ah non, non, il fait aucun rapprochement, Jean-Christophe. il dit des textes, c'est tout. Je crois que les auteurs du comité invisible, enfin le comité invisible est encore inconnu. Il est encore inconnu, oui. Est-ce qu'on ne demandait pas à Guillermo de se présenter ? Guillermo. Hello. Hello. Welcome. Say two words about you and from where you come and what's your activities. So, I started playing cello 20 years ago when I was 7. Il a commencé à jouer du violoncelle quand il avait 16 ans, il y a 20 ans. Yes, it was my father's influence. Ouais, par l'influence de son père. I think it's very good and funny to travel and to know another cultures and another musicians and new friends, of course. Et il est très intéressé de voyager et de rencontrer d'autres musiciens, d'autres cultures, d'autres et des amis. Oui. Voilà. Il parle un peu français. Pardon ? Tu parles un peu français. Un petit peu. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Toulouse en ce moment ? Comment ? What are you doing in Toulouse ? In Toulouse, I came to Eddie's house. We made the concert. Le caméléon. Il est venu chez moi et on a fait un concert au caméléon mardi dernier. Ouais. Un duo. Next 15, I will go to Genève. I'm making a tour around Europe. Then I will go to Berlin. Il fait un tour en Europe et il va bientôt à Genève et ensuite à Berlin. Voilà. Ouais. Making some concerts and meeting some new musicians and that's it. Voilà. Guillermo, could you give some words about your music? Okay. Maybe by where did you start with? Where did you start with classical other approach? Jazz. I had some classical formation when I started. Je continue à traduire ou on laisse parler en anglais? Continue à traduire. Ouais. Donc on lui demande par quoi il a commencé, par le classique ou le jazz ou quoi? Mais... I started with the classic music. Il a commencé par la musique classique. And I had all my father's music accompanied me when I was born, you know, and I already listen to improvised music and experimental things. Il écoute de la musique expérimentale et improvisée depuis qu'il est petit par l'influence de son père. Maybe I will make a parenthesis to present your father. Okay. His father is. Je peux le dire en français. Oui, c'est vrai. Bon, lui, il connaît l'histoire. Son père s'appelle Ernesto Rodriguez. C'est un improvisateur très très célèbre de Lisbonne. En particulier parce qu'il a un label qui s'appelle Creative Sources, qui est un des labels de référence en musique improvisée, qui est un label qui a plus de 300 disques dans son catalogue, avec les plus grands noms de la musique improvisée. Enfin, voilà, c'est un label un peu incontournable. Et donc voilà, Guilherme a grandi dans cette influence-là, et a beaucoup de... est présent sur beaucoup de ses CD, parce que chaque fois qu'un musicien improvisateur en tournée va au Portugal, Ernesto le prend, l'amène en studio, et ils font des enregistrements, voilà. Et donc il y a beaucoup d'enregistrements dans lesquels il y a Ernesto et Guilherme, avec des improvisateurs, donc en particulier, je crois que parmi des improvisateurs qui vont jouer ce soir au ring, you recorded with Axel Donner? No. With Axel, no. Ah oui, avec son... Bon, pardon, pas avec... But Ernesto recorded. Yeah. Donc Ernesto a enregistré avec Axel Dörner qui joue ce soir au Ring. Qui est, voilà. Enfin, on parlera peut-être du Festival du Ring un peu plus tard. Donc voilà, c'était pour présenter un peu le contexte dans lequel Guilherme a grandi. Beaucoup de concerts, beaucoup de CD, de musique improvisée, avec un père très actif dans cette, qui joue du violon alto, très actif dans cette musique. So Guilherme, tu can finish. Merci, mais c'est ça. It was a little parenthesis for your father, now it's you. Okay. So I think Creative Sources is developing a very good work. International, you know, with some new aesthetics of improv too, very minimalistic moods, exploring some nice stuff and ambience of the instrument. Creative Source a développé internationalement une esthétique nouvelle et autour de la musique improvisée, beaucoup basée sur le son, sur ce qu'on appelle à mon avis, personnellement, un peu à tort, le réductionnisme, ou moi je dirais, on va pas discuter de ça maintenant, ça serait trop long, mais voilà, disons qu'une musique assez très ambiante, pas forcément très énervée. Tu parles pas du minimalisme là ? Ouais, un peu minimaliste, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui appellent ça réductionnisme, mais voilà, moi j'aime pas le terme parce que. Tout le monde a bien suivi que le jeu, c'était Eddie Boubacar. Le jeu, quand tu dis jeu, c'est tu traduis pas ce que dit... Ah oui, oui, oui, oui, là, c'était une parenthèse, oui. Oui, ouais, je dépasse mon rôle d'interprète, je suis désolé. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis obligé de mettre mon grain de sel. Ok, so, Guillaume. Ok, just to finish, I think in Portugal, we are trying to find some interesting musicians to improv. We are trying to develop more events in the concerts, but there aren't too many people who understand this type of music in Portugal, you know? And I think the big part of the people are still catched on jazz and free jazz. Bon, je pense que c'est normal. En Portugal, ils essayent de développer un peu ce genre de musique et il y a beaucoup de personnes intéressées. Mais beaucoup, quand même beaucoup plus qui sont dans le jazz et le free jazz. Voilà. Je vais encore faire une petite parenthèse. Je pense que le Portugal est un pays un peu particulier parce qu'il y a une grosse... C'est un tout petit pays, mais il y a une énorme scène de musique improvisée, de jazz, de free jazz. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de musiciens, beaucoup d'amateurs de cette musique et c'est assez surprenant. Je ne sais pas historiquement, on m'avait expliqué, Ernesto m'avait expliqué pourquoi, mais j'ai oublié. Mais il y a vraiment, par rapport à la taille du pays, il y a vraiment c'est énormément, énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup de labels. Il y a Creative Source, mais il y a... comment ça s'appelle ? Train Azul, from Free Jazz. Ouais, yeah. Voilà, il y a deux ou trois labels assez importants quand même, qui produisent beaucoup. Il y a des festivals, pas mal. Il y a beaucoup de musiciens, il y a des orchestres, des grands orchestres, etc. C'est assez surprenant pour ce petit pays qui est tout au bout, en bas de l'Europe, là, et voilà. Donc, peut-être on peut écouter un extrait de la musique de Guillaume. Ok, c'est parti. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce CD? What you can say about your CD? Oh, Surfaces. In Surfaces is with Ernesto on viola, Nuno Torres on alto sax. We meet Eduardo Chagas on trombone and Carlos Santos on electronics. I think as the other recordings, each one gives the listener a kind of spiritual travel, you know. We have the feelings of the musicians on that moment, the moment they record, but we don't know what they are thinking about, and so I don't know. So we listen to the music and our imagination goes high. Bon, je ne vais pas traduire. Spirituelle expérience, voilà. C'est son imagination, l'instant, voilà. Alors, on va écouter un extrait de la piste 1, qui dure quand même 17 minutes. Je pense qu'on ne pourra pas l'écouter en entier. D'accord. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Vous êtes sur France Impro, pas de doute, sur Radio FMR 89.1. Nous allons maintenant entendre un petit duo dans le studio en live entre Eddy Boubacar et Guillaume, dont on vient d'écouter un disque. Eh bien, allons-y, c'est à vous les amis. Bravo beaucoup, merci beaucoup. C'était Guillaume Rodriguez qui nous vient de Portugal, en duo avec Eddie Boubaker. Donc le premier au violoncelle et le second à la guitare. Merci pour ce bon moment. Peut-être on peut dire juste un mot sur ce qu'on a écouté juste avant, qui était un CD apporté par Guillermo, donc avec son père Ernesto Rodriguez au violon, lui-même au violoncelle, et puis trois autres musiciens, Nuno Torres au saxophone alto, Eduardo Chacas au trombone, et Carlos Santos au computer analogique. Il y a un texte qui m'a plu à l'intérieur, je vais en lire un morceau traduit, qui dit que ce que vous entendez, en fait, c'est pas ce que les musiciens jouent eux-mêmes, individuellement. Vous êtes un être indépendant, complet, avec votre propre système auditif, votre propre système nerveux, centralisé, vos habitudes musicales et votre bagage culturel. En vérité, vous rejouez la musique dans votre esprit. Et c'est cette sensation qui semble que vous permettre de générer une état de jouissance personnelle, finalement. Qui peut être sensoriel ou spirituel, ou les deux. Mm-hmm. C'était ce que Roland Barthes voulait dire dans son texte Le plaisir du texte. Voilà, c'est un petit extrait des mots qui sont à l'intérieur de l'album de Guillermo Rodriguez, apporté ce matin. Voilà. Et Eddie, tu disais qu'on pouvait écouter Guillermo sur la place du Capitole, c'est ça? Bon, en fait, Guillermo, oui, va aller jouer un peu dans la rue cet après-midi. Enfin, voilà. Alors, si vous passez place du Capitole. Oui, il va jouer. Des pot-pourris classiques, quoi, histoire de se faire un peu de thunes pour la suite de son voyage. Yeah. Mais voilà, si vous voyez un violoncelliste mal rasé et sympathique, voilà, n'hésitez pas à lui demander une petite improvisation. Oui, il fait aussi des petites improvisations un peu dans le style classique. D'accord. Voilà. Ouais, il sera à place du Capitole, dans le centre de Toulouse, et probablement demain, du côté du marché, quelque part. Ah bah ouais. On ira à Saint-Aubin ensemble demain matin. Voilà, à Saint-Aubin. Oui, on va y aller de toute façon. Super. J'ai prévu d'y être. Ouais. We will go. Cool. Très bien, parce que vous allez à Saint-Aubin demain, parce que ce soir, vous allez où? Ce soir, on va aller au Théâtre du Ring. C'est la transition que proposait Dominique, je suppose, pour parler de l'agenda. C'est ça. Alors là, ça tue la transition. N'est-ce pas? C'est l'habitude radiophonique, on a ça dans la peau. Ouais. Et donc, à l'agenda ce soir, en effet, à 20h30, il y a un festival d'improvisation qui se passe au Théâtre du Ring. C'est Route de Blagnac, au nord de Toulouse, après les Sept Deniers. C'est un très bel endroit, il y a une excellente salle, une très belle scène. Et ce soir, il y a... Alors, j'ai pas le programme en tête, mais on moi, peut... Moi, je l'ai sous les yeux. Donc, à 20h30, nous avons un quartet de cordes avec Patricia Bossard au violon, Cyprien Bussolini au violon alto... Deborah Walker au violoncelle et Frédéric Marty à la contrebasse. Suite à quoi, à 21h30, nous avons un trio avec Bertrand Dinzier au saxophone ténor, Antonin Gerbal à la batterie, Axel Dorner à la trompette. Voilà, donc c'est un concert ce soir à ne rater sous aucun prétexte, même si moi je me... Ah oui. Je suis trompettiste. Je pense que tout le... et je vais rater Axel Dorner ce soir. Tous les trompettistes toulousains, quel soit le style qu'ils jouent, devraient aller écouter Axel Dorner. Ils auront du boulot pour des années. Donc, j'ai une chance. Il commence à 21h30. Peut-être que je pourrais en voir un petit bout en deuxième partie de soirée. Et le festival continue dimanche. À dimanche à 20h30, Electric Moon. Alors, Electric Moon, c'est un duo avec Claire Bergerot à la voix, et Jean-Luc Guillonnet aux orgues, un intermède surprise à 21h30, et à 22h, un duo encore avec un danseur ou une danseuse, plutôt une danseuse, une. Lotus Ed Coury, que je ne connais pas, et Jean-Luc Guillonnet aux orgues à nouveau. Voilà, donc un très beau programme au Ring ce week-end. Quoi d'autre au programme pour sur l'agenda? Mardi. Oui, mardi. On en a parlé à la Pizzeria Belfort, le duo Vortex. Voilà, Vortex plus le duo Onsinger Grip. Ouais. À contrebasse violoncelle. Voilà. Deux propositions de couleurs différentes. Vous avez écouté un peu tout à l'heure ce que Vortex propose et Onsinger Grip, ça sera totalement différent. Plus dans, je pense que c'est plus dans l'esprit musique improvisée européenne inspirée du free jazz des années 70-80. Donc une soirée pleine de contrastes. Voilà. Donc ce sera mardi à 20h. À 20h, porte de la Fontaine, à côté de la place de Belfort. À côté de la place de Belfort, au sous-sol de la pizzeria Belfort. Donc un lieu extraordinaire, on le répétera jamais assez. Sinon, demain après-midi, juste avant d'aller au festival, juste avant d'aller au ring, on vous propose de faire le petit détour aux ateliers d'Eau Vive. Alors les ateliers d'Eau Vive, ça se passe 23 rue du Laurier à Toulouse. Alors c'est une association qui organise des tas de choses et qui demain fête Noël. Donc il y aura des enfants partout, mais il y aura aussi une projection à 18h30 avec donc un Frigo et la baleine. C'est un court-métrage de Buster Keaton qui sera accompagné par la Fraction Grossière qui est invitée à l'occasion et qui va faire ses débuts en accompagnement de film. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça. Voilà. Voilà, quoi d'autre si c'est trop loin pour vous d'aller à Blagnac, ce serait, enfin Blagnac, d'aller route de Blagnac au ring, ce serait dommage. Mais il y a une proposition alternative ce soir, nous avons notre copine Lucie Laric qui va jouer à nouveau aux portes de la Fontaine, au sous-sol de la pizzeria Belfort ce soir à 19h. Elle va jouer son concert de poèmes en violonné. Donc, Lucie Laric à la voix et au violon. Il y a Pavé dans le jazz ce soir. Il y a aussi Pavé dans le jazz. Oh là là, très grosse soirée ce soir. Ah, c'est terrible. Ouais. Alors, Pavé, ça se passe où? Je n'ai pas les détails. C'est au Théâtre du Pavé, je pense. À côté de Saint-Agne. Donc, à droite, on descend vers Rangueil, avant la voie ferrée. Si, je les ai. Au Théâtre du Pavé. Le programme, je ne l'ai pas en tête. C'est East-West Trio. Ouais. Avec Sylvain Cassap, clarinette et chalumeau, Didier Petit, violoncelle et voix, et Xu Fengjia au guzheng, saxian et voix. Donc, excusez-moi pour la prononciation à la fois de l'instrumentiste et des instruments. Voilà, donc ça, encore un super programme. Mais on ne peut pas être partout, il faut faire des choix, c'est terrible. Ouais. Voilà, alors je vous propose qu'on se quitte en écoutant un autre extrait de l'album de Vortex, une piste qu'on n'a pas encore écoutée, la piste 2, et donc c'était... Non, la 3. La 3, d'accord. La 3, et on écoutera, si on a le temps, la 9... J'ai peur qu'on n'ait pas le temps, mais on va... La 3 dure 1 minute. D'accord, 30. Très bien, ben, on va faire ça. Ouais. Donc merci pour votre attention, c'était France Impro, on se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien, à bientôt. Thank you.